Donc, aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam implique d'aimer Allah azza wa jal. Car le Nabi, c'est lui qui informe, qui retransmet ce point d'Allah. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yuhab li zatihi. La yuhab li zatihi. Innama li yuhab fillah. Wallazi yuhab li zatihi wallah fakat. Le seul qui est aimé pour lui-même, d'un amour légiféré, c'est Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime pour Allah. Celui qui dit qu'on aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui-même, on fait du shirk. Car cet amour, c'est l'amour ibada. Là, on ne parle pas de l'amour tabiri. Donc si quelqu'un dit j'aime le messager, on dit j'aime le messager vraiment. Alors si tu aimes Allah, tu dois l'obéir. C'est ça que l'auteur dit. Car aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? C'est pas faire des poésies sur lui, ou célébrer sa naissance, ou faire des chansons qui le citent. Là, c'est lui obéir. Et ça, l'amour. Enfin, les gens, ils vont te dire, j'aime Mohamed. Ils vont écrire Mohamed sur les murs partout. D'accord? Ils vont écrire des poésies avec du shirk dedans, comme, mesalène, Al-Burda. Al-Burda, cette fameuse poésie qui contient pas le shirk. Ou autre. Parmi les choses d'exagération. On l'a dit au début. لا تطرئوني كما طرأت النصارى ابن مريم انما نعبد الله ورسوله n'exagérez pas en personne comme ont fait les nasara avec Isa. Ce n'est pas l'invoquer également, sûrement pas. Ou le groupe de Satan m'invoquer, sûrement pas. Ce suffit de Satan pour chercher la baraka après sa mort, sûrement pas. L'amour pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam authentique, c'est de lui obéir. Ça, la marque d'amour. Il y avait un exemple donné par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Il avait des invités, parmi eux des toulabs, ces toulabs. Et ils ont voulu servir le thé. Cheikh il a dit là, c'est moi qui sers. Anakh de Bokom. Et le talib a insisté. Cheikh il a dit, c'est moi qui sers. Tu vois. Il a dit, je fais ça justement par respect pour toi, par amour pour toi. Il dit, mon amour, mon respect, c'est obéir à mon ordre. C'est moi qui sers. Donc c'est ça la réalité. Quelqu'un qui t'aime, qui te respecte, il t'obéit. Car celui qui t'obéit, il te fatigue. Donc ça m'est-ce que tu ne l'aimes pas. Mathalène, la plus grande marque d'amour qu'une femme puisse donner à son mari, c'est lui obéir. C'est pas lui faire les meilleurs plats. C'est pas porter les plus beaux vêtements, vraiment, en soi. Ou autre. Se maquiller à longueur de temps. Non, c'est lui obéir. Quand tu fais les plus grands plats, après tu n'obéis pas, il peut aller au restaurant et avoir des meilleurs plats encore. D'un enfant pour son père, c'est qu'il obéisse. Quelqu'un qui t'obéit te facilite la vie. Grave. Ce qui t'obéit te fatigue. Même si tu dis je t'aime, tu dis moi mon amour, que tu dis ressentir pour moi, ne sera pas que lorsque tu m'obéiras. Car mon droit sur toi, c'est l'obéissance. Le droit du mari sur la femme, c'est qu'il obéisse. Le droit du père sur l'enfant, c'est qu'il obéisse. Et ainsi de suite. Donc quelqu'un te dit j'aime Allah kazalik et qu'il ne suit pas dans l'adoration, ton amour il n'est pas valable. Ce que Allah il veut de toi, c'est que tu l'aimes d'un amour qui te force à l'unifier dans l'adoration. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut que tu l'aimes d'un amour qui te force à le suivre et à l'obéir. Comme les gens qui disent moi j'aime les salafs. Aimer les salafs kazalik, l'amour que tu as pour eux doit te forcer à suivre leur voie et appliquer comme ils ont appliqué autant que tu peux. Elle m'a juste envoyé des affaires, les salafs ils ont dit, ainsi étaient nos plus précédents, et tu fais tout le contraire ce qu'ils disent. C'est pas un amour véritable ça, c'est juste, on va dire une prétention. D'accord? Une prétention. Le vrai amour qui sert à la personne, c'est un amour légiféré, qui amène à un suivi correct dans la religion. Et même dans la dunya. Même dans la dunya, c'est un amour qui t'emmène à faire ce que la personne que tu aimes souhaite de toi. Même entre les koufars.